Pascal se laissa tomber sur un gros pouf de cuir marocain, ce qui souleva un nuage de poussière. Debout devant elle, les mains sur les hanches, Aurore protesta. « Ne me dis pas que tu es fatiguée !»« Morte ! Tu veux vraiment garder cette horreur ?»« J'aime bien l'exotisme. Et de ce point de vue, ton grenier est une véritable caverne d'Ali Baba. Avec un coup de cirage, ce pouf sera magnifique !» Elles avaient passé toute la journée à charrier des meubles auxquels elles essayaient de trouver la meilleure place. « C'est tellement gentil à toi de m'avoir accueillie ici !» répéta Aurore pour la 10e fois au moins. L'idée leur était venue ensemble, un soir où elles dînaient dans une pizzeria en se faisant des confidences. Aurore n'arrivait pas à joindre les deux bouts et passait son temps à essayer de combler son découvert bancaire. Dépensière, fantaisiste, elle gérait si mal son budget que payer son loyer était devenu un vrai problème. Le deux pièces qu'elle occupait dans la banlieue de Toulouse était à la fois hors de prix et dénué de charme. Elle avait donné son préavis avec soulagement. Pour l'héberger à Pérol, Pascal ne lui demandait qu'une participation forfaitaire aux frais de chauffage et d'électricité. Mais Aurore avait décrété qu'elle mettrait aussi la main à la pâte pour tous les travaux de bricolage. Quand leurs horaires de travail concordaient, elles pouvaient également faire le trajet dans la même voiture au lieu de prendre chacune la sienne. Un arrangement simple qui avait le mérite de rompre leur solitude de célibataire. À Pérol, Aurore se sentait euphorique et débordait d'énergie. La maison la fascinait autant que le parc et elle s'y dépensait sans compter. Sa frivolité avait au moins un bon côté. Elle trouvait toujours 1000 bonnes idées de décoration. Sans elle, Pascal se serait vite découragé, car à l'évidence, elle avait mésestimé l'ampleur de la tâche. Pour elle-même, elle avait choisi la chambre de ses parents, pour Aurore celle d'Adrien, et son ancienne chambre d'enfant, vaste et claire, était destinée à d'éventuels amis. Au rez-de-chaussée, hormis la cuisine, seul le jardin d'hiver avait été aménagé. Cette grande pièce rectangulaire prolongée d'une large véranda était l'endroit le plus agréable de la maison. Pascal et Aurore y discutaient parfois jusqu'à une heure avancée de la nuit, en sirotant des infusions de plantes provenant du jardin, verveine, menthe ou tilleul. Elles projetaient de faire des confitures avec les pêches et les cerises, mais bien entendu, elles n'en avaient jamais le temps. « Ce soir, décréta Aurore, je te fais une gigantesque omelette avec tous les restes façon tortilla. Alors je vais acheter du pain. » Elles se levèrent à regret, aussi épuisées l'une que l'autre après tous les efforts qu'elles avaient fournis depuis le matin. « Un samedi bien rempli !» constata Pascal en jetant un regard circulaire. La chambre d'Aurore était devenue vraiment gaie avec ses rideaux roses récupérés dans une malle, un paravent à claire-voie transformé en porte-photo géant, une commode de bois cérusé ornée de motifs peints au pochoir, et à présent le gros pouf marocain qui trônait entre les deux fenêtres. Amusée, Pascal hocha la tête en signe d'approbation. Pourquoi n'était-elle pas capable de la même fantaisie ? Ses goûts plutôt classiques la poussait à un certain dépouillement. Mais avait-elle jamais eu le temps de s'occuper d'une maison? Pendant son mariage, Sam et elle étaient trop absorbés par leur travail pour se soucier de la décoration de leur appartement. De toute façon, ils rêvaient de déménager, ce qu'ils auraient fait si Pascal était tombée enceinte. Elle dévala l'escalier, attrapa son sac qui traînait sur une des consoles du hall et sortit. Au village voisin, il n'existait que trois commerces, une boulangerie, un bar tabac vendant quelques journaux et une boucherie. Pascal s'y était déjà rendu plusieurs fois sans parvenir à lier conversation. Soit les gens la prenaient pour une touriste en vacances, soit ils n'aimaient pas l'accent parisien. En tout cas, personne ne l'avait accueillie avec gentillesse. Elle décida qu'elle devait faire un effort supplémentaire. Peut-être expliquer qui elle était, ou au moins préciser qu'elle habitait là et serait une cliente régulière. Lorsqu'elle entra dans la boulangerie, sourire aux lèvres, elle surprit le regard hostile de la femme entre deux âges qui se tenait derrière la caisse. « Bonsoir, madame. Je voudrais une baguette et un pain de campagne, » annonça-t-elle le plus aimablement possible. « Tranchez le pain ?» Le ton n'était pas agréable, l'expression de visage non plus. « Oui, s'il vous plaît. Je le trouve formidable au petit déjeuner. » Sans répondre au compliment, la femme introduisit le pain dans la machine, les yeux rivés sur les lames. « Je viens de m'installer à 2 kilomètres de chez vous, » enchaîna Pascal. Ou plutôt me réinstaller, parce que j'ai passé toute mon enfance ici. « Vous êtes une fontanelle, c'est ça ?» lâcha enfin la boulangère de mauvaise grâce. « Oui, et je reprends la maison de famille. » Drôle d'idée. Déçu par sa réaction, Pascal lui tendit un billet de 5 €. « Vos parents ne faisaient pas leurs courses au village, » bougonna la femme en lui rendant sa monnaie. « Mais j'ai bien dû vous apercevoir une fois ou deux quand vous étiez petite. Eh bien, dorénavant, vous allez me voir beaucoup plus souvent. » Après un nouveau sourire encore plus appuyé que le premier, Pascal se détourna et sortit, Étrange accueil pour une commerçante qui ne semblait pas débordée par la clientèle. Il aurait été plus logique qu'elle se montre affable ou seulement intriguée. Pascal traversa la rue et poussa la porte du bar-tabac, où elle comptait acheter quelques magazines féminins. Aurore adorait les feuilleter, le dimanche matin. Toujours à l'affût des dernières tendances de la mode, d'idées nouvelles pour la décoration, de recettes de cuisine qu'elle réalisait plus ou moins bien le jour même. « On lit ça quand on est médecin ?» railla le buraliste en la toisant derrière son comptoir. « Le week-end est fait pour se détendre !» répliqua Pascal avec bonne humeur. Enfin quelqu'un qui n'avait pas l'air de la prendre pour une parfaite étrangère. « J'habite à côté du village, » précisa-t-elle pour entretenir ce début de conversation. « je sais, tout se sait tellement vite. Votre jardinier a répandu la nouvelle depuis un mois. Lucien Lestrade n'est pas mon jardinier. Il s'est mis en tête de me donner un coup de main, mais il le fait gracieusement. Je n'emploie personne pour le moment. Bon, vous ne lui ferez pas quitter Pérol de sitôt, » ricana le bonhomme. Il était à peine plus âgé que Pascal et n'avait sûrement pas connu sa famille à l'époque, ce qui semblait le rendre plus loquace que la boulangère. « Lucien en parle toujours beaucoup. De votre jardin, je veux dire. D'après lui, c'est extraordinaire. Pérol par-ci, Pérol par-là. Il a du travail ailleurs. Pourtant, c'est chez vous qu'il aime traîner. » « La propriété n'est plus ce qu'elle était, » répondit prudemment Pascal, qui commençait à le trouver trop familier. « J'essaierai de bien m'en occuper. Seulement, je travaille à Toulouse, alors je n'ai pas le temps de... »« Pourquoi si loin ? Votre père exerçait à Albi, non ?»« Vous êtes décidément au courant de tout ?» s'exclama-t-elle en se forçant à rire. « Les gens bavardent devant leur verre, » répondit-il avec un geste en direction des bouteilles alignées au-dessus du bar, la tête en bas. « J'ai repris ce bistrot il y a 10 ans, et depuis j'ai entendu toutes sortes de choses. » Pascal rangea son porte-monnaie et récupéra ses journaux, puis se dirigea vers la porte. Au moment où elle l'ouvrait, le type pensa. « Le nom de Fontanelle est diversement apprécié par ici. » Avec une lenteur calculée, elle se retourna pour lui faire face. « Je ne comprends pas, » articula-t-elle. « À mon avis, votre père n'a pas laissé un très bon souvenir dans le coin. » Stupéfaite, elle hésitait à partir. Cet homme pouvait raconter n'importe quoi pour la faire marcher, mais d'instinct, elle fut certaine qu'il disait la vérité. Effectivement, il devait surprendre beaucoup de commérages derrière son comptoir, et grâce à Lucien Lestrade, le retour de Pascal à Pérol n'était pas passé inaperçu. « Mon père est un excellent médecin, » déclara-t-elle d'un ton ferme. « Oh, ça n'a rien à voir. C'est plutôt des histoires de femmes. Celle qui est morte brûlée vive, la chinoise qui... » Il s'interrompit net et se frappa le front. « Que je suis con, pardon. Je répète à tort et à travers. Je suis pire que le dernier des bavards. Tiens, est-ce que vous fumez ?» Penaud, il lui tendait une grosse boîte d'allumettes décorée, comme s'il espérait racheter sa maladresse avec ce présent dérisoire. « Non, je ne fume pas, merci. Vous vous en servirez pour allumer la cuisinière ou le feu de cheminée ?» Contournant le comptoir, il vint lui mettre la boîte dans la main. « Il ne faut pas m'en vouloir. C'est vrai que vous avez quelque chose d'asiatique, j'aurais dû m'en apercevoir. » Ne sachant que faire, elle prit la boîte d'allumettes et sortit sans ajouter un mot. La chinoise. Les gens du village avaient-ils appelé sa mère ainsi ? Par dépit ? Parce qu'elle effectuait tous ses achats à Albi ? Parce qu'elle était métisse ? Contrarié, Pascal rentra à Pérol en ruminant les paroles du buraliste. D'abord, comment l'avait-il reconnue ? Était-elle devenue l'unique sujet de conversation de ce trou perdu ? Dans ce cas, elle n'y mettrait plus les pieds. Elle aussi ferait ses courses à Albi, exactement comme sa mère. Quant à ses vieilles histoires de femmes, son père n'était pas Barbe Bleue. Néanmoins, c'était la deuxième fois qu'on lui affirmait que les Fontanelles n'avaient pas laissé un bon souvenir. Le chauffeur de taxi qui l'avait conduite à Pérol le lendemain de l'enterrement de sa mère, et maintenant le type du bar-tabac. Elle trouva Aurore qui l'attendait, plantée au milieu de la cuisine, une bouteille de Gaillac à la main. « J'ai eu le temps de préparer une crème caramel dont tu me diras des nouvelles. Mais d'abord, on va trinquer. Ouvre ça, c'est un cadeau d'impatient. » Sa bonne humeur était assez réconfortante pour que Pascal oublie les idioties entendues au village. Sur la table, 2 hauts chandeliers de cuivre avaient été garnis de bougies blanches. « Ce sont ceux du grenier ?» s'étonna Pascal. « J'ai réussi à les ravoir avec du vinaigre et du sel. Pas mal, non ? Ils seront superbes dans le jardin d'hiver, dès qu'on aura descendu la console et qu'on l'aura repeinte. On fera des motifs au pochoir. » « Demain, » protesta Pascal, « c'est dimanche. Je dors toute la matinée. » « Ne t'inquiète pas, l'après-midi devrait suffire. » Tâtant la baguette entre le pouce et l'index, Aurore prit l'air gourmand. « J'adore ce pain. On a du bol d'avoir une bonne boulangerie à proximité. » « Bonne, peut-être, mais la patronne est aimable comme une porte de prison. » Entre elle et le type du tabac, je n'ai pas eu l'impression d'être bien accueillie. C'est étrange. Le nom de Fontanelle semble associé à quelque chose de désagréable. Or, je croyais au contraire que le souvenir laissé par mon père et mon grand-père serait une sorte de sésame. Pourquoi ? Parce qu'ils sont originaires d'ici, implantés depuis plusieurs générations, médecins de père en fils. Pérol est dans la famille depuis presque 200 ans, tu te rends compte ? Et alors ? Vous faites partie des nantis, rarement regardés d'un œil attendri. À les entendre, poursuivit Pascal. Mon père aurait eu des tas de femmes. Mais c'était juste un jeune veuf qui voulait se remarier, ce qu'il a fait, ni plus ni moins. Sauf que vous êtes parti un beau jour sans aucune explication, et c'est le genre de départ précipité qui alimente les conversations. Peut-être. Peu convaincu, Pascal sortit la grosse boîte d'allumettes de son sac et entreprit d'allumer les bougies. Les soirées étaient plus courtes, plus fraîches. L'arrière-saison s'achevait, ainsi qu'en attestaient les feuilles mortes qui commençaient à joncher les allées du parc. Tout de même, appeler ma mère la chinoise. Elle était vietnamienne, non ? À moitié. Son père était français. Il l'avait ramenée de Hanoï, âgée de quelques mois à peine. Elle a été élevée à Toulouse. Elle avait même l'accent. Bon, elle était un peu sauvage, peut-être. Ni bavarde, ni démonstrative comme les gens d'ici. Mais d'après papa, elle n'avait pas été très heureuse dans sa famille, ce qui expliquait sa nature réservée. Elle ne t'en parlait pas ? De sa famille ? Non, jamais. Elle avait rompu les ponts, elle n'y faisait même pas allusion. On aurait dit que ses souvenirs commençaient à sa rencontre avec papa. Pourtant, dans les dernières années de sa vie, sa mère avait changé d'attitude. Elle ne regardait plus son mari avec la même tendresse reconnaissante. Elle s'était mise à se méfier de tout le monde. « Au bout du compte, » constata Pascal, « je ne sais pas grand-chose d'elle, de son enfance ou de sa vie de jeune fille. »« Oh, ne te plains pas. Moi, je connais le moindre détail de la jeunesse de ma mère. Elle m'en a copieusement rebâti les oreilles, à croire qu'elle était une sainte. » Aurore paraissait s'amuser et Pascal finit par sourire. À quoi bon revenir sur le passé ? Le chagrin d'avoir perdu sa mère commençait tout juste à s'estomper et elle ne voulait pas y penser pour l'instant. Elle observa Aurore qui, d'une main ferme, battait des œufs dans un saladier. La nuit tombait déjà, mais la lumière des bougies apportait une note de gaieté à l'atmosphère de la cuisine. « Ta maison est un endroit privilégié, » conclut Aurore. « C'est peut-être pour ça que les gens sont jaloux. N'écoute pas les ragots, tu as mieux à faire. » Décidément, sa compagnie avait du bon. Impossible de rester triste trop longtemps, à côté d'elle. Sa joie de vivre était communicative. Néanmoins, Pascal se promit de poser quelques questions à son père la prochaine fois qu'elle lui téléphonerait.